Et en fait, ce qui est peut-être le plus nouveau, et c'est un peu l'objet de l'atelier que vous avez animé l'un et l'autre aux entretiens de la physique, c'est que désormais, on sait voir, on sait peut-être manipuler, on sait fabriquer, en tout cas voir d'abord, Claude Weißbuch. C'est un phénomène qui est relativement récent, qui avait quand même été presque appréhendé par le prix Nobel Richard Feynman dans un texte qu'il avait rédigé fin 1959. En tout cas, il en avait l'intuition. Il avait une certaine intuition. Feynman surtout s'est intéressé à comprendre quelles étaient les limites physiques d'un certain nombre de phénomènes importants pour la vie de tous les jours. Par exemple, quelle était la limite pour faire un transistor? Est-ce qu'on peut, quelle était, combien fallait-il d'atomes pour faire un transistor? Ou combien fallait-il d'atomes pour émettre de la lumière? Et en faisant une analyse physique, il s'est aperçu qu'au fond, un atome ou deux atomes suffisaient. Et donc, il a dit, il a posé une question en 59, où sont les limites? Et les limites, pour lui, c'était l'atome. Et donc, depuis, on essaye de courir après cette prédiction et de montrer qu'effectivement, l'atome permet d'assurer des fonctions aussi importantes que celles du transistor, puisque ça permettrait, évidemment, de faire des ordinateurs, des milliards de fois plus petits que ceux dont on dispose aujourd'hui. Alors cette prédiction, on l'a presque rattrapée, puisqu'on peut voir les atomes, et presque un par un. Donc du coup, évidemment, si on veut être sûr qu'un seul atome permet d'avoir un effet transistor, il faut d'abord pouvoir observer un atome et ensuite mesurer sa fonctionnalité. Est-ce qu'il est capable d'avoir une fonction électronique comme celle d'un transistor? Alors est-ce que c'est ça qui a vraiment marqué les dernières années, Jean-Michel Gérard? Oui, il y a eu une évolution tout à fait formidable les dernières années en ce qui concerne les moyens d'étude de ces objets à l'échelle nanométrique. En particulier par la mise au point de techniques qu'on appelle techniques de champ proche, qui utilisent des effets de proximité pour étudier ces objets. Parmi les réalisations tout à fait spectaculaires qu'on peut mentionner, il y a l'étude, par exemple, de la conductivité d'une chaîne de deux atomes. On sait aujourd'hui comment deux atomes placés côte à côte sur une surface conduisent le courant. On sait également comment une grosse molécule de type polymère conduit également le courant. Alors évidemment, on a appris à voir. Claude Weißbuch, il y a une expression que j'ai relevée dans certains de vos propos ou certains de vos écrits, c'est qu'en fait, on a appris à chausser de nouvelles lunettes et que ces nouvelles lunettes, extrêmement puissantes, ont permis de modifier complètement, d'une part, la perception qu'on avait des surfaces, des matériaux, de leur constitution, justement de l'arrangement des atomes les uns par rapport aux autres, mais également de la façon dont on pouvait les manipuler, au moins en laboratoire, sinon à une échelle industrielle. Ce thème sur lequel nous allons arriver naturellement. Oui, alors c'est un petit miracle. Si on avait prédit il y a 30 ans qu'on arriverait à mesurer atome par atome, les gens auraient souri ou auraient été plus Peut-être loin. aurait été indifférent. Non, c'est un vieux rêve quand même de C'est le rêve mesurer de les atomes un Démocrite. par un. Donc les voir, c'est quand même extraordinaire. Mais on n'avait pas l'idée quel était le phénomène physique qu'il permettrait. Alors, la surprise, c'est Binning et Rohrer qui sont partis en chasse pour essayer de mesurer à partir d'une pointe, d'une micro-pointe taillée le plus finement possible, pas en regardant l'interaction de cette pointe avec des surfaces, la dimension de nouveaux objets. Ils ont gagné un prix Nobel. Ils ont gagné un prix Nobel, Et un microscope à effet tunnel. et un microscope à effet tunnel. Et la surprise, ça a été qu'une pointe fine peut être très fine, mais elle sera toujours assez grande. Elle fera, mettons, quelques dizaines d'atomes. Mais il y aura toujours un atome qui dépassera. C'est ça le miracle de nature. Il y a toujours un atome qui dépasse. Et c'est l'interaction de cet atome avec les atomes d'une surface qui va dominer toutes les propriétés de la pointe. Et donc, du coup, en déplaçant cette pointe avec cet atome qui est un peu protubérant, on va voir l'interaction de cet atome uniquement. Il n'y a que lui qui intervient avec tous les autres atomes. Et bien sûr, du coup, on peut voir les atomes un par un parce que lorsqu'on déplace la pointe, on va voir des protubérances. Cet atome-là où on pointe va avoir des protubérances chaque fois qu'il passe devant un atome. Et donc, on voit les atomes un par un. Et donc, on peut commencer, si on commence à voir, on peut commencer à fabriquer.